le 6-9 de l'été sur France Inter. Et tous les matins de l'été, ça rock sur Inter à l'occasion des 40 ans de la mort d'Elvis Presley. Ce sera le 16 août précisément. Rediffusion donc du feuilleton Hommage au King ce matin, Elvis le militaire. Lorsqu'on visite Graceland de nos jours, il est impossible de manquer dans les boutiques les nombreuses photos où Elvis pose en tenue militaire. L'une d'entre elles montre Elvis donnant une conférence de presse le 22 septembre 58 à Brooklyn, l'endroit d'où son bateau partira pour l'Allemagne. The Brooklyn POE, where Elvis Presley of the United States Army is due to embark for Germany today. Durant cette conférence, Elvis parlera de son empressement de découvrir l'Europe et les Européennes, dont une très belle actrice française. I would like to, if I can make it on a three-day pass, I'd like to go to Paris and look up Brigitte Bardot. Si je peux avoir une perme de trois jours, j'irai à Paris et j'essaierai de rencontrer Brigitte Bardot. Can you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden. Si son passage au sein de l'armée américaine au Texas, puis en Allemagne, fut un événement médiatique, ce fut aussi une période de grands changements dans sa vie. La disparition en août 58 de Gladys, sa maman, mais aussi la rencontre de sa future femme, la jeune Priscilla Beaulieu, âgée alors seulement de 14 ans. Et puis, c'est à l'armée qu'Elvis rencontre celui qui restera par la suite son meilleur ami, Joe Esposito. À Las Vegas, chez lui, Joe me parle de cette rencontre. The first day I met him in person. La première fois que je l'ai rencontré, c'était dans cette petite base en Allemagne. Et puis on m'a emmené chez lui. Il m'a serré la main en me disant « Salut, je suis Elvis Presley ». Il disait toujours ça, comme si on ne savait pas qui il était. Is this train the Frankfurt special? I ain't this outfit something special. Well, we heard rumors from the bases. Frankfurt girls got pretty faces. Go special, go. Floral whistle blow. Frankfurt special's got a special way to go. There was something about a look in his eyes. J'ai vu dans ses yeux et dans son visage que c'était un merveilleux être humain. On est devenus très proches. Et avant la fin du service, il m'a demandé si je voulais travailler avec lui. J'ai pas eu à y réfléchir bien longtemps. J'ai dit « Allons-y ». Et à partir de là, j'ai été tout le temps avec lui. Je vois des photos d'Elvis à l'armée en 59 et certaines où des membres de sa famille apparaissent. Mais c'est curieux, habituellement, on n'emmène pas sa famille au service militaire, surtout si loin de chez soi. Si vous aviez des gens qui dépendaient de vous, vous pouviez les emmener, mais à vos frais. Alors il a fait venir sa grand-mère et son père. Il aimait avoir des gens qu'il connaissait et qu'il aimait autour de lui, et c'était bien comme ça. Peu de temps après son service, Hollywood, qui ne perd jamais une occasion, fera tourner Elvis en uniforme militaire dans le film G.I. Blues. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give us a room with a view of the beautiful Rhine. Give me a muddy old creek in Texas any old time. I got those up, two, three, four occupation GI blues. From my GI head to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. We'll get hoss and pfeffer and black pumpernickel for chow. We get hoss and pfeffer and black pumpernickel for chow. I blow my next month's pay for a slice of a Texas cow. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. We'd like to be heroes, but all that we do here is march. And they don't give the purple heart for a fallen arch. I got well, 1, 2, 3, 4 occupation GI blues. GI blues. From my GI hat to the heels of my GI shoes. GI shoes. GI blues. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. The Fraulein's the prettiest flowers, but we can't make a pass. Fraulein, Fraulein. The Fraulein's the prettiest flowers, but we can't make a pass. Fraulein. Cause they're always signs saying keep a tear off the grass. Yeah, yeah. I got 1, 2, 3, 4 occupation GI blues. From my GI hat to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. Et oui, même les GI sont le blues. Magic Elvis, une série des radios francophones publiques signée Philippe Robin.